Bienvenue dans l'autre monde. François Marchenon au micro pour la prochaine heure. Nous en sommes à l'édition du 12 mars 2009. Et vous êtes à l'écoute des ondes de Choc FM, la radio web officielle de l'UQAM, l'alternative à Montréal et dans le monde. Alors voilà, nous allons commencer premièrement avec un léger tour des nouvelles du monde avec la chronique des nouvelles internationales. Alors, vous savez qu'au Moyen-Orient, les choses continuent de se développer. Et puis, nous avons ici un rapport, selon certains politiciens américains, qu'Israël est en train de considérer sérieusement une attaque, est en train de considérer carrément là, une attaque unilatérale sur l'Iran. Alors, voilà pour ces informations-là. Ça fait quelques semaines que j'en parle. Ensuite, nous avons un rapport confidentiel de l'Union européenne qui accuse Israël, le gouvernement d'Israël, d'utiliser l'expansion des colonies. Hein, vous savez que Israël construit des colonies, donc des bâtiments, des maisons sur des terres occupées qui ont été volées à la Palestine. Et puis, on les accuse aussi d'avoir un programme de démolition de maisons et puis que voilà, donc on est en train de carrément annexer aussi Jérusalem-Est de façon complètement illégale. Et puis, en fait, ça contrevient à plusieurs résolutions des Nations Unies, dont celle qui porte le nom de la résolution 252, 267. Vous avez la 271, 298, 476 et 478. Alors, voilà, quoi, on a attaqué l'Irak pour avoir vu Saddam Hussein apparemment contrevenir à une résolution, alors que c'était même un mensonge. Et puis là, vous avez Israël qui contrevient à plus d'une centaine de résolutions de l'ONU. Et puis, on ne fait absolument rien. Ensuite, vous savez, on ne fait absolument rien. Vous avez beaucoup d'activistes et puis de blogueurs sur Internet qui se sont insurgés parce que bon, on était scandalisés des attaques qu'Israël a lancées sur Gaza le mois dernier. En fait, c'était au mois de la fin décembre et puis début janvier. Et puis, vous savez que vous avez 1300 Palestiniens qui ont été tués, dont la majorité des civils. Et puis, on a détruit les infrastructures. On a utilisé des armes à uranium appauvri, des armes aussi chimiques comme le phosphore blanc et puis un tas d'autres trucs qui sont carrément illégaux selon les lois internationales. Et puis, vous avez eu un puissant mouvement quand même mondial là, qui s'était mis ensemble et puis a pris forme pour continuer. En fait, ça n'a pas commencé à ce moment-là. Ça fait déjà pas mal d'années que vous avez quand même un mouvement pour le boycott des produits d'Israël, mais qui a pris énormément d'ampleur après les attaques là, à Gaza. Et on se demande tout le temps si on a vraiment un effet en tant qu'activiste. en faisant ces appels à la population-là d'arrêter d'acheter des produits qui viennent d'Israël pour boycotter finalement les compagnies israéliennes parce qu'elles supportent ces attaques affreuses-là qui se sont passées, puis ces crimes qui sont perpétrés par l'État d'Israël. Alors, vous avez une nouvelle qui s'appelle le Boycott of Israel is starting to bite. Et puis, on y apprend dans cet article-là que vous avez quatre articles dans différents journaux israéliens qui ont rapporté des faits par rapport au fait qu'on a des gens qui se plaignent, donc des gens qui appartiennent soit à des chambres de commerce là-bas ou qui sont responsables de différentes organisations commerciales et industrielles. Et puis, on a noté dans plusieurs secteurs de l'économie israélienne des baisses évidentes là, d'achat de produits, donc de vente de produits à l'international. Des personnes en Israël qui lient ces effets-là, ces baisses de ventes-là, au fait que, bon, on a beaucoup de boycotts qui se sont développés. Et puis, ce qui arrive, c'est que vous avez quand même pas mal de personnes à travers le monde qui ont arrêté d'acheter ces produits-là. Et puis, on sent carrément les effets en Israël. Et puis, vous avez différents intervenants, comme je disais, au niveau économique, qui demandent au gouvernement de mesurer ses actes, de faire attention à l'image israélienne parce qu'elle en souffre énormément. Et puis, ça se répercute au niveau économique. Donc, oui, on a un effet. Si vous pensiez qu'on n'a pas d'effet, on n'a pas de. Ben, souvent, les personnes se sentent impuissantes. Et puis, on se demande tout le temps qu'est-ce qu'on peut faire. Ben voilà ce qu'on peut faire et puis ça a un effet carrément, donc ça vient des médias israéliens. Vous avez aussi une liste vers un site qui s'appelle Boycott Israeli Goods Listing et puis si vous cliquez sur ce lien-là, vous allez trouver une liste au complet, là, vraiment exhaustive là, de compagnies israéliennes bon, qui appuient l'occupation militaire de la Palestine et puis qui appuient le régime israélien. Donc, vous pouvez aller consulter ça et puis choisir quelques compagnies, puis décider d'arrêter d'acheter leurs produits, d'aller pour des marques alternatives jusqu'à ce que Israël suive les lois internationales comme tous les autres pays. Donc, c'est pas une question là d'être raciste ou d'être d'être antisémite ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment une question d'avoir une égalité à travers la planète pour que tous les pays poursuivre et respecte toutes les mêmes lois et traités internationaux. Donc, il n'y a pas de raison à ce qu'Israël soit en dehors de ça et puis puisse se permettre d'utiliser des armes chimiques sans être tapé sur les doigts, alors que, je veux dire, on a envahi des pays dans le monde comme l'Afghanistan et puis l'Irak pour ces mêmes raisons-là. Alors, voilà pour Israël. En Iran, vous avez Clinton, Hillary Clinton qui a déclaré l'Iran une menace. Alors, vous voilà un peu dans ce genre de casserole là où c'est qu'on n'arrête pas de démoniser l'Iran. Conférence de presse de Clinton qui supporte Israël et puis bon, on démonise l'Iran, donc un autre lien vers ça. Donc vous voyez un peu c'est quoi la politique extérieure, la politique étrangère du gouvernement d'Obama. D'autres nouvelles qui essayent de vous effrayer encore en vous disant que l'Iran possède assez de matériel nucléaire pour produire 50 armes nucléaires. Alors que ce qu'on ne vous dit pas dans l'article, c'est que oui, l'Iran possède énormément de matériel nucléaire, mais ça a été vendu par la Russie, puis c'est enrichi à environ 3%. Donc, c'est le niveau qui est nécessaire pour produire de l'électricité. Si vous voulez produire des bombes nucléaires, il faut l'enrichir à environ 98%, ce qui est un processus non négligeable et puis qui demande évidemment une technologie et puis un temps considérable. Et puis, ça ne peut pas être fait non plus sans qu'on s'en aperçoive. Et puis, vous savez que vous avez l'Agence de surveillance atomique, là, de l'énergie atomique mondiale, qui surveille ces centrales nucléaires-là iraniennes avec des caméras, donc 24 heures sur 24, on sait exactement ce qui se produit là-bas. Donc, on est en train encore d'essayer de pomper de la peur dans le système pour que vous supportiez une attaque éventuelle de l'Iran. Ensuite, les dernières nouvelles en Irak, on apprend que 50 000 troupes qui vont rester derrière sur le terrain en Irak, peu importe si on retire les troupes. Alors, chers amis, pour ceux qui pensaient qu'on était pour se retirer de l'Irak ou pour que Obama respecte ses promesses électorales, eh bien voilà, on va essayer de masquer le fait que quand même 50 000 troupes vont rester derrière en Irak. Ensuite, vous avez une vidéo assez importante à aller voir sur YouTube qui s'appelle Iraqi Police Get Motivational Speech. Et puis, vous voyez finalement l'armée américaine qui donne un discours motivationnel aux nouvelles troupes de sécurité irakiennes. Et puis là, vous allez voir de quelle façon que les troupes américaines parlent à ces Irakiens-là. Je veux dire, c'est carrément insultant. Je veux dire, c'est vraiment, ça vous donne un peu une idée de quelle façon que ces gens-là pensent. Ensuite, au Pakistan, vous avez les talibans qui ont détruit un drone américain qui volait au-dessus du Pakistan. Alors, vous savez que les Américains lancent des attaques régulières au Pakistan à l'aide de drones comme ça qui sont autopilotés à distance. Et puis là, les talibans en ont descendu un. En Afghanistan, vous avez un ancien commandant de l'armée britannique qui a déclaré la mission afghane comme sans aucun sens, donc qui était complètement insignifiante. Et puis, je veux dire, elle n'avait plus aucun but. Alors, ça, c'est très important à comprendre que vous avez plusieurs hauts gradés de l'armée, de différentes armées, là, de différents pays, qui déclarent cette mission-là impossible à gagner et qui, bon, finalement, qu'elle n'a aucune signification. L'Inde, on commence à avoir des doutes, hein, qui commencent à grandir, que l'attaque en Inde, vous savez, là, à Mumbai, hein, qui s'est passée l'automne dernier, était une attaque, une inside job, et puis on a plusieurs raisons pour croire à ça, donc vous avez un article important à aller consulter. Ensuite, vous avez d'articles qui sont très importants à les considérer, à les lire par vous-même. Et puis, on parle ici des vaccins, hein, donc de Big Pharma, des compagnies pharmaceutiques. Là, j'ai écrit un article très important sur les sites du Québec que je vais vous inviter à lire. Ça va prendre peut-être une quinzaine ou une vingtaine de minutes de votre temps à les lire, mais je vous conseille d'aller lire parce que c'est évidemment des informations qui ont été sautées par les grands médias. Donc, on a décidé, on a jugé que vous ne méritiez pas ou que vous n'aviez pas besoin de savoir ces informations-là, alors que tout est bien documenté, puis c'est sorti dans les grands médias aux États-Unis. Au Canada, on n'a pas vu grande nouvelle qui est sortie là-dessus. C'est comme si on était isolé dans un igloo. Et cet article-là se nomme, chers amis, une cure de grippe aviaire et de mercure. Et ça a été publié le 10 mars. Alors, allez retrouver cet article. Je vais en parler un peu ici parce que c'est quand même assez important. Donc, certaines personnes n'auront peut-être pas le temps d'aller lire. Donc, au moins ceux qui auront le privilège d'écouter l'émission, à ce moment-là, auront entendu les informations et puis vous aurez quand même une idée, là, parce que c'est pas de quoi là, qui est à prendre à la légère. Vous allez voir dans la section des nouvelles sur les nouvelles internationales que vous avez plusieurs liens qui vont parler de l'autisme, OK? Donc, un article qui parle que vous avez, bon, un hôpital aux États-Unis qui a traité 30 à 35 000 enfants qui n'ont jamais été vaccinés et puis qui n'ont jamais trouvé aucun cas d'autisme parmi tous ces enfants. Aussi, des gens qui commencent à s'en faire à propos de la sécurité du cancer pour le cerveau, hein? Donc, vous avez à peu près 1 300 jeunes filles qui ont fait l'expérience d'effets secondaires assez considérables, dont on parle de paralysie, perte de la vue, puis bon, différents trucs comme ça. Donc, on parle des jeunes fillettes âgées de 12 à 13 ans, OK? Donc, on va donner ce vaccin-là, un peu comme le Gardasil. Dans le cas de cet article-là, c'est un autre médicament, mais c'est la même affaire, c'est qu'on donne ça à des jeunes filles et puis à ce moment-là, on comprend que ces médicaments-là contiennent des ingrédients qui sont très nocifs et puis endommagent la santé des jeunes filles qu'on dit vouloir protéger. Donc, allez voir ces articles-là. Baxter, là, je vais vous laisser lire les liens et puis les nouvelles par vous-même. Je vais en parler un peu plus loin là, dans l'article dont j'ai écrit sur les sites du Québec. Donc, vous avez plusieurs articles importants à aller lire. Donc, Baxter avec le virus de la grippe aviaire qui s'est échappé. Donc, je vais revenir là-dessus. Donc, de quoi s'agit-il? Écoutez, l'article « Une cure de grippe aviaire et de mercure » commence avec le chapitre que j'ai appelé « Le poisson, les vaccins et le mercure ». Et puis, j'écris que les agences gouvernementales comme Santé Canada et la Food and Drug Administration, donc la FDA, aux États-Unis, ont comme mission la protection de la santé publique. Enfin, c'est ce qu'on en dit et c'est ce qu'elles prétendent. Mais est-ce que les faits confirment ces prétentions? Voyons voir. Nous avons tous entendu ces avertissements de ne pas trop consommer de poissons car elles contiennent des taux de mercure qui peuvent être nuisibles à la santé humaine. Le mercure est toxique sous toutes ses formes organiques et tous ses états chimiques. Son utilisation est souvent réglementée, voire interdite. On en dit dans un article de Wikipédia que l'effet de la toxicité du mercure chez l'homme se dévoilant sous sa forme vapeur commence par les voies respiratoires pour se solubiliser dans le sang, le plasma et l'hémoglobine. Par le sang, il attaque les reins, le cerveau et le système nerveux. Le risque chez la femme enceinte est aussi présent. Cette toxine se déplace facilement au travers du placenta pour atteindre le fœtus. Même après la naissance, les risques sont perdurants puisque le lait maternel est aussi contaminé. Alors, j'écrivais qu'à la fin du mois de janvier, on apprenait qu'une nouvelle étude avait trouvé des traces de mercure dans le sirop de maïs à haute teneur en fructose. Et puis ça, c'est un nom à retenir, chers auditeurs, le sirop de maïs à haute teneur en fructose. On a découvert que ce truc-là qui rentre dans la confection de la plupart des produits qu'on achète à l'épicerie, donc commercialisés, des produits de nourriture industrielle, contiennent de ce sirop de maïs à haute teneur en fructose, qui est comme un peu remplacé le sucre, si vous voulez. C'est un genre de sucre qui est moins dispendieux, et puis évidemment que les grandes compagnies alimentaires s'en servent pour produire leurs produits, donc ils peuvent faire plus de profit sur votre dos. Et puis on a remarqué que dans ce sirop de maïs-là à haute teneur en fructose, il y avait des traces de mercure quand même assez importantes. C'est un ingrédient que l'étude a trouvé, qui se retrouvait dans environ un tiers des 55 produits de marque populaire de breuvage et de nourriture qui ont été testés dans l'étude, tels que le pain, les céréales, les bars à déjeuner, le yogourt, la soupe et des condiments. On dit en moyenne que les Nord-Américains consomment 12 cuillerées à thé de ce fameux sirop de maïs à haute teneur en fructose par jour, ce qui est environ 5,5 fois les limites acceptables de mercure fixées par l'IPA qu'une personne peut absorber par jour. Le plus inquiétant, c'est que les jeunes et les autres grands consommateurs peuvent consommer jusqu'à 80% plus de ces sirops-là que la moyenne. Donc, imaginez les enfants, évidemment, qui consomment énormément de bonbons et puis de boissons, hein, des sodas, des affaires comme ça, qui contiennent énormément de ces fructoses-là. Bon, et si on est d'accord pour affirmer que le mercure est très toxique pour les gens, affectant et endommageant le système nerveux central et le cerveau, au point où on en prend le soin d'avertir la population de ne pas trop manger de poisson, pourquoi est-il plus acceptable alors d'utiliser un préservatif dérivé du mercure, donc le thiméroçal, dans plusieurs vaccins que l'on injecte à nos enfants et aux personnes âgées? Ou encore dans les remplissages dentaires qui contenaient du mercure, comme les dentistes le faisaient il n'y a pas si longtemps. Je parle un peu au passé parce qu'au Canada maintenant, c'est plus ou moins utilisé maintenant, mais aux États-Unis, ça l'est encore. Et il n'y a pas si longtemps, c'est ce qu'on utilisait dans la bouche des patients. Donc, vous allez chez le dentiste et puis on vous remplissait vos dents avec un produit qui contenait du mercure qui, on s'est aperçu, s'écoulait finalement, tranquillement, passait dans votre système et puis vous contaminait. Donc, imaginez comment que c'est fantastique. Mais écoutez, pas de panique. Rassurez-vous, le gouvernement du Québec et puis l'Agence de santé et des services sociaux de Montréal vous assurent qu'il n'y a pas de quoi s'en faire. Et puis, on vous dit dans un extrait que vous pouvez aller voir que, grosso modo, le thiméroçal est un agent de conservation, OK? Donc, on s'en sert pour la fabrication des vaccins et que, bon, finalement, l'efficacité est prouvée et puis qu'on a fait des études sur 1 million d'enfants et puis qu'on a montré que, bon, finalement, les doses qui sont données dans les vaccins contenant du thiméroçal ne contribuent pas au développement de l'autisme et puis que, bon, il n'y avait pas de quoi s'en faire, alors vous pouvez respirer. Et effectivement, ils ont intérêt à avoir raison parce que le nombre de poursuites en justice pour des cas d'autisme causés par le mercure contenu dans les vaccins continue d'augmenter à un rythme effarant. Et si le lien venait qu'à être démontré, ce sont des poursuites de l'ordre de milliards de dollars qui seront entamées contre le gouvernement et les compagnies pharmaceutiques. En fait, aux États-Unis, il y avait en 2008 plus de 4 900 poursuites en justice cherchant des indemnisations pour des dommages causés par le mercure contenu dans les vaccins pour enfants. Le lien a toujours été refusé par les compagnies pharmaceutiques et par le gouvernement. Mais pour la première fois, il y a eu une poursuite l'année dernière qui fut admise en cour par le gouvernement américain. Là, vous allez voir, bon, c'est le cas d'une fillette qui a développé de l'autisme, okay, après avoir reçu une batterie de vaccins à environ à l'âge de 18 mois. Et puis, il a été établi par différents médecins qu'il y avait une cause, évidemment, qui avait droit de considérer un recours en justice pour indemnisation parce que la jeune fillette, après avoir été en santé jusqu'à 18 mois, a finalement développé un cas d'autisme. Et puis, ça a été quelques jours après qu'elle a reçu une batterie de 9 vaccins en une shot, là. Donc, on donne 9 vaccins, pouf, comme ça, à un enfant. Donc, un enfant qui a un système immunitaire encore fragile et sous-développé. Alors, on injecte ça directement dans le corps et puis deux de ces vaccins-là contenaient du thiméroçal qui est un dérivé du mercure. Et vous avez des vidéos sur Internet qui vont vous montrer comment que les neurones, les synapses dans le cerveau fondent après qu'on injecte un petit peu de mercure dans la solution. Donc, c'est le rôle du mercure. Donc, c'est ça que ça fait, c'est que ça brûle les cellules du cerveau. Et puis après ça, on se demande comment ça se fait que les taux d'autisme sont passés à un cas sur 100 000 à environ un enfant sur 175 aujourd'hui. Donc, c'est une augmentation fulgurante à environ 20 ans. OK? Donc, voilà, ça c'est très important. Vous avez une liste que vous pouvez consulter des ingrédients de différents vaccins dans l'article. Alors, allez retrouver ça pour les parents. C'est très important avant d'injecter ces vaccins-là dans le sang de vos enfants. Certains de ces ingrédients-là font assez sourciller. Vous avez des organismes génétiquement modifiés, donc des OGM, des organismes clonés, vous avez des virus vivants, des fluides d'animaux, de la formaldéhyde, puis des éléments d'aluminium, sans oublier le fameux MSG qui a été démontré comme étant cancérigène. La FDA, qui au lieu d'entreprendre une action suicidaire, hein, donc d'avouer que le mercure dans les vaccins et les remplissages dentaires sont nocifs et toxiques, et puis d'être ensuite poursuivi en justice, et évidemment aussi la FDA qui travaille, qui protège les intérêts de Big Pharma, qui ne devait pas être poursuivi en cours aussi, hein, donc poursuivi en cours. Alors, là, vous avez l'AFD qui était dans un paradoxe insoluble en nous avertissant du danger de la présence du mercure dans le poisson, en même temps qu'elle nous assurait que celui contenu dans les vaccins et les remplissages dentaires était sans danger. Alors, vous avez une dernière nouvelle qui a été publiée il y a quelques semaines, que l'AFD a décidé de déclarer que le poisson contaminé maintenant au mercure est sain et sans danger pour les bébés, les enfants et les femmes enceintes. Puisque vous savez que la FDA était déjà engagée sur cette route de la protection des intérêts des compagnies pharmaceutiques, alimentaires et du gouvernement, au détriment de la population, la FDA est même allée plus loin et puis a récemment annoncé que la mélamine qui était contenue dans la nourriture pour enfants était aussi sans danger pour la santé. Et même chose pour le bisphénol A que le Canada vient de bannir. Donc, vous avez le Canada qui vient de bannir le bisphénol A, mais la FDA aux États-Unis a dit « Non, il n'y a pas de danger avec ça, pas de problème. Consommez-en, il n'y a pas de problème, chers amis. Hein? » Donc, non seulement on sous-estime, on essaie de masquer les effets qui sont attribués à chacun de ces éléments-là, et puis, on sous-estime encore moins la synergie de toutes ces affaires-là mises ensemble, donc l'accumulation, l'effet commun de tous ces éléments chimiques-là dans le corps. Donc, que feront-ils quand que vous avez une soupe comme ça qui sont finalement absorbées par le corps humain? C'est une première qui s'est jamais passée dans toute l'histoire. L'article est très intéressant, continue avec les produits de Bayer, qui étaient des produits contaminés au HIV et l'hépatite C. Ça s'est passé il y a une vingtaine d'années. Bayer a vendu consciemment des produits sur le marché qui étaient contaminés avec le HIV. Vous avez des milliers de personnes, dont 15 000 au Canada, qui sont mortes suite à ça. Bayer et puis la FDA savaient que ces produits étaient contaminés. Là, Bayer l'a fait de façon consciemment, a vendu ces produits-là pour simplement rentabiliser leur investissement. Et ça, c'est la logique du système capitaliste. Et puis là, la nouvelle choc à aller consulter et à ne pas manquer cette semaine, c'est Baxter. OK? Baxter et puis le virus H5N1 de la grippe aviaire. Une nouvelle qui a été publiée cette semaine que Baxter International Incorporé a admis le mois dernier que ses produits saisonniers contre la grippe, hein, vous avez les fameux vaccins contre la grippe qu'on donne aux personnes âgées, étaient contaminés avec un virus vivant actif de la grippe aviaire de type H5N1. Un officiel de l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, avec sous le bras européen, a déclaré qu'il suivait de proche l'enquête ouverte durant les événements qui ont lieu dans les laboratoires de Baxter à Orth-Dano, en Autriche. Ce qui reste sans réponse sont les circonstances entourant l'incident dans ces laboratoires. Certains des produits contaminés qui contenaient un mélange du virus de la grippe H3N2 et du virus de la grippe aviaire H5N1 ont été vendus à des sous-contractants en République tchèque, en Slovénie et en Allemagne. L'incident de contamination, qui est sous enquête dans 4 pays européens, est devenu apparent après qu'un des sous-contractants en République tchèque ait inoculé des furets avec les produits de Baxter, résultant en la mort de ceux-ci. Les furets ne meurent normalement pas suite à l'exposition du virus humain H3N2, donc le virus de la grippe. Les autorités de la santé publique, qui ont décrit l'incident de sérieuses erreurs de la part de Baxter, ont assumé que la mort des furets signifiait que le virus H5N1 contenu dans ces produits était vivant et actif. Ce processus de mélange entre deux virus est nommé évolution par réassortiment des gènes. C'est une des deux manières dont les épidémies virales se produisent, citait un article du Canadian Press. Alors, vous avez une citation là, qui vient d'un article là, qui est à lire. Et puis, qui décrit c'est quoi ça, cet fameux réassortiment des gènes-là? Eh bien, vous savez que les grandes épidémies dans le monde sont créées de deux manières, OK? C'est ce que rapportait, comme je disais, l'article de Canadian Press, mais peu de personnes comprennent réellement c'est quoi ce processus de réassortiment-là, et puis on donne une définition, et puis on dit qu'un certain nombre de virus à ARN, dont le génome est constitué de plusieurs fragments, possèdent la propriété, lors d'une infection d'un même hôte par deux virus proches, de pouvoir échanger les différents gènes. Ce processus original est appelé réassortiment. Les virus de la grippe A constituent un modèle bien connu d'évolution par réassortiment. Il s'agit d'un virus à génome segmenté comprenant 8 fragments d'ARN. Expérimentalement, par co-infection de cellules permissives au moyen de virus différents, il est possible de générer de nouveaux virus par le réassortiment de gènes lors de l'assemblage de virus. Ce phénomène existe également dans la nature et constitue un des supports de l'évolution des virus grippaux. Hein, vous savez, d'une année à l'autre, on essaie de faire des vaccins contre la grippe, mais il est très difficile, évidemment, d'en produire parce que ces virus mutent extrêmement rapidement et plusieurs fois par saison. Donc, c'est difficile de savoir c'est quelle variété qui va être celle qui va être populaire, en fait, que les gens vont contracter durant la saison hivernale. Alors, je poursuis un peu la description qu'on en donne. On dit que le virus de la grippe A, donc le H2N2 puis le H3N2, apparu lors des deux dernières pandémies en 1957 et 1968, résulte de réassortiments génétiques entre virus humain et aviaire. Il a été postulé que le porc aurait joué le rôle de l'hôte intermédiaire au niveau duquel, à la faveur d'une co-infection, les réassortiments se seraient produits. Et puis, je poursuis un peu avec les dernières informations importantes de l'article. Alors, je disais qu'il n'y a pas eu de suggestion jusqu'à maintenant qu'il y a eu réassortiment dans le cas de Baxter. Il demeure que cette histoire a des implications importantes. Le virus aviaire H5N1 est potentiellement mortel. Comme vous savez, on a eu une genre de peur, hein, il y a quelques années avec ça. On a essayé de d'épeurer tout le monde en disant qu'il était pour avoir une pandémie à cause de la grippe aviaire. Et puis, on a entrepris de tuer des millions de poulets dans le monde. Et bon, donc vous savez que c'est évidemment un virus qui est potentiellement mortel, mais le fait qui nous a gardé sécure jusqu'à date, c'est le fait qu'il se transmet encore difficilement aux humains et entre humains. Par contre, le virus de la grippe H3N2 est facilement transmissible et contagieux. Donc, si une personne venait qu'à être exposée aux deux virus simultanément, elle pourrait servir d'incubateur à une nouvelle variété hybride qui pourrait se transmettre facilement entre autres personnes et de façon très mortelle. Cependant, il est important de souligner qu'un aspect clé de cette histoire est qu'il est virtuellement impossible pour un virus de la grippe aviaire de faire son chemin jusque dans les vaccins par accident. La conclusion choquante à laquelle on en vient est que cet événement, hein, donc de Baxter, ne pouvait pas être un accident. Pourquoi? Parce que Baxter International adhère à quelque chose qui est nommé le BSL3, donc Biosafety Level 3, un ensemble de protocoles de sécurité en laboratoire pour prévenir la contamination croisée du matériel. Sous ce protocole de conduite BSL3, il est impossible pour un virus vivant et actif de contaminer du matériel pour la production de vaccins destinés à être acheminés à des vendeurs autour de la planète. Ceci nous laisse seulement avec deux possibilités pour expliquer ce grave incident. Et puis là, c'est important qu'on réfléchisse à ça. La première possibilité, c'est que Baxter ne se conforme pas aux directives de sécurité BSL3, ou bien qu'il néglige tellement leur travail qu'il cause des erreurs monumentales qui menacent le reste de l'humanité. Si c'est le cas, alors pourquoi injectons-nous ces vaccins de Baxter à nos enfants? La deuxième possibilité est qu'un employé dérangé ou un plan psychopathe de la direction est présent à Baxter, où des virus vivants de la grippe aviaire ont été intentionnellement placés dans le matériel pour vaccin dans l'espoir qu'ils soient injectés à des humains, déclenchant ainsi une épidémie ou une pandémie globale de la grippe aviaire. Cette épidémie entraînerait une hausse instantanée de la demande pour les vaccins contre la grippe aviaire. Les profits des fabricants de vaccins comme Baxter pourraient être astronomiques si une telle panique avait lieu. Et puis avant que les anticomplotistes, et puis là je voudrais faire un article de Pierre Gissé Allard sur l'essai du Québec aussi, les anticomplotistes, hein, les anticomplotistes qui s'énervent et puis qui pensent que ah, il ne peut pas avoir de complot. Puis, écoutez, chers amis, avant de nous énerver trop, là, il faut se rappeler que c'est exactement ce qui s'était passé à l'automne 2005, quand Bush avait semé la panique en disant qu'un minimum de 200 000 jusqu'à 2 millions de personnes seulement qu'aux États-Unis pourraient mourir de la prochaine pandémie de la grippe aviaire, OK? Et puis, avec cette campagne de peur, on avait justifié l'achat de 20 millions de doses aux États-Unis à 100 $ chaque, donc pour un total de 2 milliards, acquis à la compagnie Roche. La compagnie Roche qui a obtenu les droits de vente et de marketing exclusifs de Gilead Sciences Incorporated, qui avait inventé il y a une quinzaine d'années le produit qu'on appelle Tamiflu. Hein, le Tamiflu qui a été d'ailleurs démontré avec le temps qui était complètement inutile. Okay? Et puis, qui était l'homme qui était directeur de cette compagnie 2 ans avant qu'il soit nommé au poste de secrétaire à la Défense dans l'administration de Bush? Donald Rumsfeld, chers amis. Alors, vous avez Donald Rumsfeld qui était dans le gouvernement de Bush, qui a épeuré la population. Bang, on justifie l'achat du Tamiflu qui revient à une compagnie dont Donald Rumsfeld, du moment où il était encore dans le gouvernement, possède encore des actions. Hein, dans les compagnies qui produisent le Tamiflu. Donc, c'est retrouvé à faire énormément d'argent. Et puis, voilà, quoi. Donc, vous avez un conflit d'intérêts qui est absolument gigantesque. S'il y a des précédents, alors pour les gens qui penseraient que la deuxième possibilité ne tient qu'à une autre théorie de complot sortant de cerveaux de gens qui sont complètement débiles mentales, eh bien, chers amis, arrêtez de vous cacher derrière les couvertures, sous la jupe de maman, et puis tant que vous appréciez un peu la grandeur de la réalité, okay? Quand vous avez Bayer qui a vendu des produits pour les hémophiles dans le monde qui savaient qu'ils étaient contaminés avec le HIV, vous avez des milliers de personnes qui sont mortes du sida suite à ça. Vous avez un autre article qui parle que vous avez l'Angleterre qui, suite à des investigations, des enquêtes sérieuses, ont finalement fermé le dossier avec la conclusion que Bayer et les États-Unis étaient coupables dans ce dossier-là, savaient consciemment qu'on vendait des produits contaminés. Il y a des gens, chers amis, qui sont psychopathes, il va falloir affronter la réalité. Alors voilà, je vais vous laisser vous reposer un peu, hein? On va laisser les neurones se refroidir avec un bon morceau de musique et on se retrouve après la pause avec le massif dossier de l'économie qui va prendre probablement tout le reste de l'émission et va se poursuivre la semaine prochaine aussi. La la la. Il y a aussi certaines nouvelles encore bon, importantes aussi de l'actualité que je vais essayer de glisser à travers tout ça. Donc, on commence immédiatement. Vous avez en premier, bon, la Caisse de dépôt et de placement du Québec qui a perdu énormément d'argent. J'en parlais la semaine passée. Et puis, vous avez deux articles maintenant à les trouver cette semaine qui ont été publiés sur mondialisation.ca. Il y en a un qui se nomme « Le véritable enjeu, le démantèlement de la caisse de dépôt » et un autre qui s'appelle « La caisse de dépôt ». Alors, allez voir ces articles, allez les lire. Le premier, « Le véritable enjeu, le démantèlement de la caisse de dépôt » est écrit par Marc Laviolette et Pierre Dubuc de l'autre journal. Et puis, vous avez écouté plusieurs informations cruciales à aller chercher là. Vous savez que au départ, le triple rôle de la Caisse était de préserver l'indépendance d'action du gouvernement, de promouvoir l'économie du Québec et être un instrument d'émancipation dans la perspective de la souveraineté du Québec. Et puis, c'est ce qui en fait la cible aussi des milieux financiers et des fédéralistes. On apprend dans l'article que vous avez un peu une gestion au profit de Power Corporation qui joue là-dedans et que les derniers événements nous amènent à nous questionner sur l'indépendance du gouvernement Charest à l'égard des milieux financiers et plus particulièrement de la famille Desmarais. On dit dans l'article que, bien qu'il n'y ait qu'un coin du voile qui a été levé, il est évident que la Caisse a été gérée en fonction du nouveau mandat qui lui a été imposé au gouvernement Charest par, si vous voulez, les intérêts financiers et de la famille Desmarais, soit dans la recherche du rendement optimal, tout en investissant le moins possible dans l'économie québécoise. Lors de la démission d'Henri-Paul Rousseau, un journaliste de la presse a calculé qu'à peine 15,7% de l'actif total des déposants gérés par la Caisse était détenu au Québec, imaginez, dont près de la moitié portait exclusivement sur des obligations émises par le gouvernement et des organismes du secteur parapublic. En fait, seulement 8% des actifs de la Caisse étaient directement investis dans l'économie du Québec. C'était moins que les investissements de la Caisse en Russie, imaginez. Cependant, sous la gouverne d'Henri-Paul Rousseau, la Caisse ne négligea pas d'investir dans Power Corporation et ses filiales. Au 31 décembre 2007, la Caisse détenait 4,6 millions d'actions de Power Corporation, représentant 187,5 millions de dollars. Elle possédait également des titres dans les filiales de Power, soit Corporation financière Power, à l'ordre de 212 millions de dollars, Pargesa, à l'ordre de 500 000 dollars, et le groupe Bruxelles-Lambert, de l'ordre de 5,4 millions de dollars. La Caisse avait aussi un investissement de 131 millions de dollars dans Total, la pétrolière française dont Power Corp est la principale actionnaire. Le dernier clou dans le cercueil du Québec, on explique dans l'article que la partition de la Caisse en plusieurs entités la priverait d'intervenir efficacement dans l'économie du Québec. Elle parachèverait l'opération de déconstruction du modèle québécois dont M. Parizeau a fait le constat lors de son allocution publique du 18 février 2008 à l'occasion des événements entourant la prise de contrôle de la Bourse de Montréal par la Bourse de Toronto. M. Parizeau avouait que Québec incorporé, dont il avait patiemment contribué à l'édification, n'existait plus. Ce qu'on dit finalement, c'est qu'on cherche à couper les ailes et les pattes du mouvement souverainiste, que la quasi-victoire souverainiste lors du référendum de 1995 a causé la panique à Ottawa. La réaction des fédéralistes a été à la mesure de leur frousse. À la loi sur la clarté se sont ajoutés le programme des commandites et les menaces de partition du territoire québécois. Le député réformiste Stephen Harper a déposé un projet de loi à cet effet en 1996 et les deux autres leviers du mouvement souverainiste se sont également trouvés dans le collimateur de ces gens-là. Donc, on parle de la reconnaissance diplomatique d'une déclaration d'indépendance par la France. Hein? Donc, vous savez que le jeune Poulain de Paul Desmarais et Sarkozy, hein? Donc ça, c'est toutes des choses qui sont documentées. Vous savez très bien que Paul Desmarais est celui qui a mis Sarkozy sur la scène et puis qui lui a permis de remporter la présidence. Et puis d'ailleurs, ce dernier lui a remercié, hein? Lui a donné la médaille de Légion d'honneur. Hein? Donc ces gens-là se remercient puis se complimentent l'un et l'autre. Et puis, le deuxième élément, ben, on se demande si la prochaine cible était justement le démantèlement de la Caisse de dépôt et de placement. Alors, consultez cet article crucial. Ensuite, vous avez un article qui rapporte qu'un document de l'armée américaine décrit qu'Israël possède le pouvoir nucléaire. Donc, c'est une autre preuve qui vient d'apparaître. Et puis, on sait maintenant que ceci est un fait. Donc, ça fait plusieurs fois que je vous le dis, c'est sur les nouvelles internationales, sur l'autre monde. Et puis, vous savez que Israël possède la bombe nucléaire. Donc, quand on essaie de faire des crises de panique mondiale pour essayer d'épeurer le monde et puis de vouloir attaquer l'Iran, alors que c'est eux-mêmes qui possèdent un programme d'armement nucléaire clandestin sous Dimona. Alors, vous devez peut-être comprendre à ce moment-là qui, on devrait peut-être plus pointer du doigt. Et vous savez que le dernier président américain, d'ailleurs, à faire face à Israël, à confronter Israël avec son programme nucléaire, et M. Kennedy, hein, John F. Kennedy, qui a été tué quelques mois plus tard après qu'il a demandé à Israël d'ouvrir son site sous Dimona, hein, qui est la base où c'est qu'on fabrique des bombes nucléaires en Israël, d'ouvrir cette base aux inspections régulières internationales. Et puis, quelques mois plus tard, M. JFK est mort. Donc, il y a plusieurs raisons pourquoi JFK est mort. Hein? Pas seulement ça, mais il y a plusieurs raisons. Mais bon, vous savez que quand on s'oppose à Israël, eh bien, il arrive des affaires dangereuses. Hein? Donc, ça, vous avez une autre nouvelle à aller consulter par rapport à ça. Ensuite, au Canada, ça c'est carrément outrageant. Un Canadien en Colombie-Britannique a traversé les frontières pour se diriger vers les États-Unis. Et puis, un policier est à la garde là-bas aux frontières, hein, donc un agent des frontières Canada, qui a demandé d'une façon très brusque et puis irrespectueuse les papiers d'identification du conducteur. Et puis, le conducteur lui a simplement répliqué de demander, s'il vous plaît, d'au moins d'être plus poli. Vous avez cet employé fédéral-là qui a paniqué et a carrément aspergé le conducteur de poivre de Cayenne, carrément. Okay? Donc, on a traité ce Canadien-là d'une façon carrément outrageante, comme un criminel, un terroriste, juste parce qu'on trouvait que, justement, l'agent fédéral était impoli. Hein? Donc, voilà un autre exemple comment que le Canada va se transformer en État policier où ces gens-là qui sont censés nous servir, qui sont payés par notre argent, s'arrogent les droits carrément de dictateurs et puis on n'a même pas, à recevoir de politesse de leur part. Hein? Donc, ces gens-là peuvent agir comme des mini-dictateurs totalitaristes et puis nous asperger de poivre de Cayenne, nous battre, nous mettre sous inspection, nous dicter qu'est-ce qui va être la prochaine loi, hein, sous leur pouvoir inquisiteur aux frontières comme ça. Et puis franchement, moi ce que j'encourage les gens à faire, c'est de traîner en cours, de faire carrément, pourquoi pas un recours collectif contre ces gens-là, et puis qu'on les mette en prison au Simonac, qu'on leur montre c'est qui est le boss. Okay? C'est pas ces gens-là qui sont les patrons à la frontière, c'est nous autres qui sommes les patrons et puis qui leur demandons d'assurer notre sécurité, mais non pas en utilisant comme ça, hein, des produits chimiques dans notre figure. Voyons donc, Simonac. Alors, nouvelle très, très révoltante, là, je veux dire, il est temps que ces choses-là arrêtent, là. Ensuite, vous avez la police qui se donne des pouvoirs secrets de chercher les gens, donc de fouiller les maisons sans que les propriétaires le savent. Donc, ça, ça se passe en Australie. OK? Donc, chers amis, ça commence à regarder mal dans plusieurs pays du Commonwealth, là. Ensuite, vous avez une autre nouvelle sur les juges en Pennsylvanie, aux États-Unis, qui ont touché 2,6 millions de dollars en pots de vin pour enfermer des jeunes enfants, des adolescents en prison, OK, pour des sentences là qui étaient basées sur absolument rien. Donc, vous voyez un peu justement le système de justice dans lequel on vit. Je veux dire, il n'y a pas de système de justice, Monac. Je veux dire, quand vous avez des gens à la frontière qui vous aspergent parce qu'on vous demande, on vous asperge de poivre de Cayenne parce qu'on vous demande d'être poli, de dire s'il vous plaît, on vous demandait vos papiers d'identification. Je veux dire, il commence à avoir des limites, là. On commence aussi à penser, dans certains pays, à demander votre passeport pour acquérir des téléphones mobiles, OK, donc des téléphones cellulaires. Ça aussi, ça commence à dépasser les bornes. Et aux États-Unis, en Californie, vous commencez à avoir des révoltes qui commencent à prendre lieu contre l'imposition, contre les taxes. Alors, vous avez un phénomène qui risque de grandir comme ça. Juste à cette révolte-là, vous aviez 15 000 personnes qui sont descendues dans les rues pour finalement contester. Hein? Je veux dire, évidemment, que si on est pour couper les retours d'impôts et puis l'aide gouvernementale, parce que la Californie est en train de tomber dans le trou financier, eh bien, les gens se demandent pourquoi on devrait payer des impôts aussi. Hein? Donc, c'est un peu une question qui commence à faire surface dans plusieurs pays dans le monde. Vous avez un ancien avocat des Nations Unies qui dit que George Bush pourrait être le prochain sur la liste de la Cour criminelle internationale à être jugé pour crime de guerre. Alors, évidemment qu'on espère que ceci se fasse le plus vite possible. Hein? Je veux dire, il n'y a pas deux sets de lois, il n'y en a qu'une seule, et puis elle doit s'appliquer à tout le monde de façon égale, pas parce qu'on s'appelle George Bush qu'on est au-dessus de la loi. On a découvert des évidences que l'eau a couru sur la surface de la planète Mars il y a environ 1,25 million d'années. Alors, ça, c'est d'autres preuves comme quoi que probablement qu'il y a eu de la vie sur Mars il y a plusieurs milliers d'années, sinon des millions d'années. Ensuite, vous avez Blackwater, le groupe de mercenaires privés qui a tué des civils irakiens, qui a fait un scandale l'année passée, qui a changé de nom. Donc, au lieu d'appeler Blackwater, on va l'appeler la compagnie Z, donc XE. Hein? Donc, ça, c'est ça qu'on fait quand que on a un problème d'image publique. Donc, on change le nom. Hein? Donc, on déguise les mêmes pratiques sous un différent couvert. Ensuite, vous avez Monsanto qui commence à avoir un sérieux problème à prendre la possession du marché en Allemagne. L'Allemagne qui résiste énormément. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Ces fameuses compagnies-là qui, s'en vont partout à travers le monde et puis amènent leurs compagnies toxiques. Hein? Leurs produits toxiques qui font que vous avez des gens comme en Inde qui se suicident de l'ordre de 125 000 fermiers indiens qui se sont enlevés la vie parce qu'ils perdent leur culture. Les produits OGM produisent moins que les cultures normales et puis tuent les animaux, rendent les gens malades. Donc, ça c'est effectivement très important. Les mammographies, les femmes, j'en avais parlé ici sur l'autre monde. Les mammographies qui, par radiation, causent plus de cancer, qui détectent de cancer, vous avez des augmentations de plus de 600% durant les trois dernières décennies de taux d'exposition aux radiations, et puis évidemment que ces trucs-là augmentent le cancer. Donc, un autre article a été publié cette semaine. Ensuite, vous avez un autre avertissement. Vous avez le bisphénol A qui a été retiré de différents produits maintenant où on a banni certains produits, certaines bouteilles de plastique. Et puis, on avertit que maintenant, des produits de soda, donc différents produits comme, je ne nommerai pas, là, vous savez, des canettes là, qui contiennent des grandes marques, contiennent aussi du bisphénol A, donc c'est pas juste dans le plastique que c'est contenu, mais aussi dans les canettes d'aluminium. Et puis Santé Canada a averti les gens parce qu'on a détecté des niveaux trop élevés dans ces canettes-là. Alors, vous avez aussi Coca-Cola qui va enlever un additif qui est potentiellement dangereux de ses produits, donc le colorant qui s'appelle E211 qui se mêle avec un autre agent et puis qui est lié à du sodium de benzoate dans ces produits-là, se transforme en benzène qui est cancérigène et puis qui cause de l'hyperactivité. Donc, ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Vous avez aussi la Cour suprême aux États-Unis qui a rendu une décision un peu surprenante et puis intéressante parce qu'on a décidé de terminer la fameuse loi sur l'immunité de Big Pharma aux États-Unis. Donc, ça a été passé sous le régime Bush. On avait donné l'immunité aux grandes compagnies pharmaceutiques. Donc, si vous souffriez d'effets secondaires ou même de mort de leurs produits, on avait donné l'immunité à ces compagnies-là. Donc, cette immunité-là a été retirée. Ensuite, vous avez Warren Buffett dans l'économie qui a déclaré que l'économie est en train de tomber d'un précipice carrément. Donc, on est en train d'annoncer que là, on est en train de faire face au pire scénario. Okay? Donc, l'activité économique là-bas aux États-Unis est en train de tomber de façon très précipitée. Les pertes d'emplois sont absolument énormes. On parle d'un taux de 5 à 600 000 emplois qui sont perdus à chaque mois. Au Canada, ça a été pareil. Juste le mois dernier, on a perdu 129 000 emplois. On demande à Barack Obama de mener une guerre économique. Évidemment que ça, c'est les grands banquiers-là aussi qui en profitent. Hein? Donc, on essaie de d'épeurer la population. Et puis, M. Buffett a d'ailleurs déclaré que la population était confuse et épeurée et que les gens ne pouvaient pas être inquiétés par l'état des banques. Et puis, qu'il y avait plusieurs de ces personnes-là qui étaient inquiétées, vous comprenez. Donc, ça, c'est, je parle de cette nouvelle-là parce qu'on est en train de comprendre que l'économie, évidemment, est en train de prendre un sérieux coup. Et puis, que là, on essaie de faire apparaître ça comme étant un phénomène un peu météorologique aléatoire, alors que cette cause-là a été consciemment créée parce qu'on a déréglementé le secteur bancaire, on a fait enfler la bulle de spéculation à des niveaux qui ne reflétaient pas du tout l'économie réelle. Donc, on a créé carrément une économie virtuelle qui était inexistante. Et puis là, on essaie d'épeurer la population. Donc, vous avez ces grands joueurs-là qui ont profité de tout ça pendant toutes ces années et qui arrivent, qui sortent sur la scène publique et puis essayent de vous épeurer, de vous dire que là, on risque un crash total mondial et puis qu'il va falloir mener une guerre contre une guerre économique carrément pour essayer de rétablir la situation et de donner votre argent aux banquiers, aux grandes banques, parce que c'est ça que les gens c'est par ça que les gens sont inquiétés. Alors que moi, j'en doute énormément. Je pense pas que les gens soient inquiétés par les banques, mais plutôt par leur propre portefeuille, par leur propre ouvrage. Et puis, on va essayer, chers amis, de faire mousser cette cette colère-là, okay, qui va être évidemment de plus en plus constante et plus amplifiée à travers le monde, et puis de faire en sorte que les gens se révoltent. J'aimerais vous avertir contre ça, parce qu'évidemment que ces gens-là, ces grands joueurs-là qui ont profité de cette crise-là, vont aussi profiter d'une crise où les gens vont se révolter, vont commencer à tout casser, parce que ça va permettre au gouvernement de mettre en place toutes les mesures qu'on a peu à peu mises en place dans le gouvernement américain puis dans différents pays pour instaurer la loi martiale, donc instaurer... finalement prendre vos libertés, quoi. Donc, instaurer un nouvel ordre beaucoup plus rigide. Et ça va être évidemment justifié par une révolte qui va commencer à prendre place dans différentes villes aux États-Unis. Ça a déjà commencé à se produire. Vous avez déjà deux gouvernements en Lettonie puis en Islande qui ont été débarqués par ces révoltes-là. Et on espère évidemment que les gens, au lieu de rester pacifiques, vont devenir violents. Et puis, vous avez sûrement plusieurs provocateurs qui vont se glisser dans ces mouvements-là, comme on a vu à Montebello, et puis qui vont se mettre à casser des affaires pour essayer d'entraîner un mouvement. Et on va utiliser ce mouvement-là pour descendre dans la rue avec la police et puis l'appareil militaire qui se pratique à ça depuis longtemps, qui se pratique encore. Vous avez aux États-Unis des pratiques carrément là qui sont rapportées par les médias américains, des pratiques militaires. Et puis on se pratique à quoi? On se pratique à prendre contrôle de villes, à contrôler des révoltes sociales, et puis on se prépare même à une guerre civile aux États-Unis. Donc, on est en train d'équiper les services de police avec de l'équipement anti-émeute. Okay? Donc, on dépense des dizaines de millions de dollars en ce moment, et puis ça, c'est rapporté par des sources médiatiques là, de grande échelle. Là. On parle de mass media, OK? Là. C'est un peu l'aspect à surveiller. Plusieurs compagnies qui ont été protégées des enquêtes et puis qui sont reliées à la CIA ou à différents autres secteurs financiers comme AEG, vous savez AEG, la grande compagnie d'assurance qui a transféré énormément de l'argent des payeurs de taxes qui a été finalement donné à AEG par le plan de sauvetage d'Obama et qui a été transféré à différentes banques à travers le monde et puis à différents gouvernements européens et israéliens. Donc, c'est carrément un vol en plein jour en train de se passer. Et puis, différentes compagnies, comme même celle de Madoff, hein, vous savez, le grand scandale de 50 milliards de dollars, a été protégée par un mandat spécial de Bush il y a quelques années, en 2006 en fait. Et puis, on a décidé de donner un certain couvert à certaines compagnies, comme celle de Madoff, et AEG, puis d'autres compagnies comme ça, qui sont liées avec la CIA. Un article qui détaille toutes les sources de ça, là, donc de Wayne Madsen, un journaliste très important aux États-Unis. Et puis, là, vous savez qu'on parle de l'ordre de trilliards de dollars, hein, donc de 1000 milliards de dollars. Et puis, les gens, bien souvent, n'ont même pas conscience de ce qui se passe en ce moment. Et puis, vous avez un article très important qui vous montre une photo de ce que ça représente. Donc, vous voyez la photo d'un homme. Et puis, là, vous voyez carrément des palettes de billets de 100 dollars américains qui sont empilés. Puis, ça vous donne un peu de l'ampleur visuelle de ce que c'est quand on parle d'un trilliard de dollars, donc de 1000 milliards de dollars. Et puis, si vous pensez que la crise économique a encore pris toute son ampleur, bien, chers amis, pensez à ça deux secondes. Le produit intérieur domestique, okay, le produit intérieur brut aux États-Unis est de l'ordre de 14,2 trilliards de dollars. Okay? Là, vous savez que ce chiffre-là n'existe pas en français. Un trilliard, c'est 1000 milliards de dollars. Okay? Donc, moi, j'utilise trilliard parce qu'à un moment donné, là, ça devient un peu des chiffres trop gros, là, puis ça rend les gens confus. Donc, on parle ici de trilliards. Trilliards, c'est 12 zéros, OK? Donc, le produit intérieur brut des États-Unis est de 14,2 trilliards de dollars, OK? Le stock market de Wall Street est évalué à un petit peu moins de 15 trilliards de dollars. Le stock market mondial de tous les pays du monde est évalué à légèrement moins de 50 trilliards de dollars, OK? Le crash du système hypothécaire du subprime aux États-Unis qui a éclaté au mois d'août 2007, ce marché résidentiel-là d'hypothèques a été évalué à environ 23 trilliards de dollars. Okay? La bulle qui est en train d'éclater, chers amis, en ce moment, puis qui va prendre toute son ampleur au printemps puis à l'été, c'est une bulle de 700 trilliards de dollars. Okay? Puis 700 trilliards, c'est très conservateur parce que les chiffres montent jusqu'à 1,5 quadrilliards de dollars. Des quadrillions, OK? Des quadrillions. Donc, le marché des dérivatifs qui est en train d'éclater en ce moment, d'argent qui n'existe pas, là, que les banques absolument noyées dans du papier commercial qui ne vaut plus rien, n'est pas de l'ordre de 50 milliards comme la valeur de tous les marchés du stock market mondial, mais de l'ordre de 700 trilliards de dollars jusqu'à potentiellement 1500 trilliards de dollars. Et puis, c'est ça qui s'en vient. C'est ça qui est en train d'éclater. Et puis, c'est de ça qu'on va parler la semaine prochaine avec tous les fameux plans de sauvetage, OK? De l'économie qui est en train de s'effondrer. Et puis, vous devez comprendre où on s'en va avec ça, avec ces plans financiers-là. Où c'est qu'on s'en va avec l'économie puis ce qui est en train de se passer, parce que là on est en train de vous prédire une dislocation totale de l'économie mondiale et puis même des différents pays du monde. On va traverser une tempête assez grave si on ne réalise pas ce qui se passe et puis qu'on laisse les acteurs faire ce qu'ils veulent avec cette fameuse déstabilisation totale de l'économie mondiale-là, parce qu'on se dirige carrément vers un nouvel ordre établi, un nouvel ordre financier mondial, un nouvel ordre bancaire mondial, une gouvernance mondiale. C'est ça qu'on est en train de créer par le chaos qui est semé et puis la peur qu'on va essayer d'instiller dans la population mondiale de façon suffisante pour qu'on vous fasse accepter n'importe quel plan de sauvetage d'une élite financière qui ont engendré en premier lieu cette crise-là. OK, donc la semaine prochaine, c'est de ça qu'on va parler. Puis là, vous allez avoir des nouvelles absolument importantes, explosives. Ne manquez pas ça, on va détailler, disséquer carrément les plans de sauvetage d'Obama. Vous allez aussi avoir une dissection totale de l'économie, de ce qui se passe, des pertes d'emploi, des compagnies qui ferment, de ce qui se passe avec les banques, des implications concrètes sur le terrain. Et puis, vous allez finalement ressortir avec une image beaucoup plus précise de ce qui se passe et vous allez être pas mal mieux armé. Il y a moyen de probablement désamorcer cette bombe financière-là, cette bombe économique-là qui est à veille de nous exploser. Et puis, ça va être de réformer ce système bancaire-là, ce système économique-là, de façon totale et puis de carrément effacer cette fameuse économie virtuelle-là et de repartir sur des bases solides avec l'économie réelle. Donc, retournez-moi la semaine prochaine. C'est assez pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. C'était François Marchinet pour L'Autre Monde. Restez sur les ondes de Choc FM. Au revoir.